Je dis, en continuant, que bien avant que nous fussions au pied de la haute tour, mes yeux se tournèrent vers sa cime, car nous vîmes s'y poser deux flammèches et une autre de loin leur faire signe, telle que l'œil pouvait à peine les saisir. Je me tournai vers l'océan de toute science et je lui dis: Que dit ce feu? Et que répond cet autre? Et qui sont ceux-là qui les font? Et lui, là-bas, sur les ondes fangeuses, tu peux déjà voir ce qui nous attend, si la brume du marais ne le couvre pas. Corde jamais ne décocha de flèche, qui vola rapide à travers les airs, comme je vis venir une petite barque, à travers l'eau, vers nous en cet instant, avec un seul marin au gouvernail qui criait: Te voilà donc ici, âme damnée! Plégias, Phlégias, tu cries en vain, dit mon seigneur pour cette fois. Tu ne nous as que pour passer la boue. Tel est celui qui découvre qu'un piège lui a été tendu et s'en afflige. Tel devient Phlégias dans sa rage rentrée. Mon guide descendit dans la barque et me fit entrer après lui. Et seulement quand j'y fus, elle parut chargée. Dès que mon guide et moi fûmes à bord, l'antique proue s'en va, fendant les flots, plus qu'elle n'a coutume avec les autres. Comme nous voguions sur cette eau morte, devant moi se dressa un être plein de fange, disant: Qui es-tu, toi qui t'en viens avant le temps? Et moi à lui: Si je viens, je ne reste pas. Mais toi, qui es-tu qui es si enlaidi? Il répondit: Tu le vois, un qui pleure. Et moi à lui: Reste avec les pleurs, avec le deuil, esprit maudit. Je te connais, bien que tu sois tout embourbé. Alors il tendit ses deux mains vers la barque, d'où mon maître avisé le repoussa, disant: Va-t'en d'ici avec les autres chiens. Puis il m'entoura le cou de ses bras, baisa mon visage et me dit: Âme altière, bénie soit celle qui te porte. Cet homme fut sur terre un orgueilleux, la bonté n'orne pas sa mémoire. Ainsi son ombre est ici furieuse. Combien se prennent là-haut pour de grands rois qui seront ici comme porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Et moi, maître, je voudrais tant le voir plonger dans le bouillon avant que nous soyons sortis du lac. Et lui, à moi, avant que l'autre rive se laisse voir, tu seras satisfait. D'un tel désir, il convient que tu jouisses. Peu après, je vis un tel tourment. Infligé à cet homme par les êtres boueux, que j'en loue encore et j'en remercie Dieu. Tous criaient: Sus à Filippo Argenti! À l'esprit florentin chorélique se tournait contre soi avec les dents. Nous le laissâmes ainsi et je n'en parle plus. Mais des lamentations frappèrent mes oreilles et je fixai mon regard vers l'avant. Le bon maître me dit: À présent, mon fils, s'approche la cité qui a nom d'Ité, avec ses habitants meurtris, avec sa grande armée. Et moi, maître, je vois déjà ses mosquées très clairement là-bas dans la vallée, vermeille, comme sortie du feu. Il répondit: C'est le feu éternel, brûlant à l'intérieur, qui les fait sembler rouges, comme tu vois dans ce bas enfer. Nous parvîmes enfin dans les hautes fosses qui entourent la cité désolée, et ses murailles me paraissaient de fer. Nous fîmes d'abord un long détour, et nous vîmes en un lieu où le nocher cria très fort: Sortez, voici l'entrée. Je vis plus de 1 000 diables au-dessus des portes précipitées du ciel, qui disaient, plein de rage, Qui donc est celui-là qui, sans avoir sa mort, s'en va par le royaume des âmes mortes? Mon très sage maître leur fit un signe, montrant qu'il voulait leur parler en secret. Alors ils réfrénèrent un peu leur grand dédain et vinrent, et dirent: Viens seul, qu'il s'en aille, celui-là, qui eut l'audace d'entrer dans ce royaume. Qu'il s'en retourne seul par sa folle route, qu'il essaie, s'il ose, toi tu resteras, qu'il a amené par les régions obscures. Pense, lecteur, si je fus abattu quand j'entendis ces paroles maudites, car je crus ne jamais revenir sur terre. Ô mon cher guide, toi qui plus de 7 fois m'as redonné la sécurité et m'as tiré de terribles dangers qui me menaçaient, ne me laisse pas, lui dis-je, si défait, et s'il est interdit d'aller plus loin, revenons vite ensemble sur nos pas. Et ce seigneur qui m'avait mené jusque-là me dit: N'aie crainte, il n'est personne qui puisse nous barrer le passage. Trop grand et qu'il accorde. Mais attends-moi ici, ranime ton esprit là et nourris-le de bons espoirs. Je ne te laisserai pas dans le monde d'en bas. Il s'en va ainsi et là m'abandonne. Mon doux père et moi, je reste en suspens, car oui et non se battent dans ma tête. Je n'entendis pas ce qu'il leur dit, mais il resta peu de temps avec eux, car tous se retirèrent en luttant de vitesse. Ils fermèrent les portes, ses ennemis, au nez de mon seigneur qui resta dehors, et s'en revint vers moi à pas lents, gardant les yeux à terre, le front sans assurance. Il murmura en soupirant: Qui m'interdit les tristes demeures? Et il me dit: Toi, ne t'inquiète pas de ce que je m'irrite, car je vaincrai l'épreuve. Quoi qu'ils préparent à l'intérieur pour leur défense, cette arrogance en eux n'est pas nouvelle. Ils la montrèrent jadis à moins secrètes portes, qui aujourd'hui encore est sans serrure. Tu as vu sur elle les lettres de mort? Un peu plus bas déjà descend la pente, traversant les cercles sans escorte. Quelqu'un par qui la ville sera ouverte.